Voilà, on va faire comme ça. Il faut que je l'enlève mon synthé pendant l'écoute. 1, 2, 3, 4. Yannick. Thank you, Mr. Yannick. She drives me crazy. Like no one else. She drives me crazy. I can't help myself. Donati à la batterie. Z au synthé. Stop Nice, Jeff. Thank you. Joli. Congratulations. Félicitations, monsieur.